Un petit mot avant votre épisode pour vous parler de Frames Festival. Alors, qu'est-ce que le Frames Festival ? Eh bien, le week-end du 29 et 30 septembre 2018, si vous êtes à Avignon ou aux alentours, ou que vous avez moyen de dormir là-bas quelques nuits chez un pote, ou si vous prenez un hôtel, après vous gérez un peu vos lives, eh bien, vous pourrez assister à des conférences, des projections et des rencontres avec plein de vidéastes, parmi lesquels, évidemment, Cyprien, Y Penser, Nota Bene, Le Fossoyeur de Films, Solange Te Parle, Les Revues du Monde, Florence Porcel, Nexus 6, Sirius North, il y aura aussi Kian Kojandi, Navo, Marion Montaigne, enfin, il y a beaucoup de gens. Et on y sera également avec Adrien Méniel et on aura plein de trucs à vous montrer. Par exemple, moi, je vous proposerai une conférence autour de l'écriture de fiction sur Internet. Adrien viendra vous présenter Phantom Force, son hommage aux séries des années 80 avec Jérôme Niel qui sera lui aussi présent. On vous présentera tous les trois d'ailleurs, Jérôme, Adrien et moi, un épisode de Groom qui sera diffusé au cinéma Le Pandora. Et ce sera suivi d'une séance de questions-réponses. Moi, je vous présenterai aussi des épisodes des Emmerdeurs, une série sur laquelle j'ai écrit. Je serai accompagné par un des créateurs, scénaristes et réalisateurs, à savoir Valentin Vincent, que l'on surnomme entre nous la petite valisette. Et pareil, je pense qu'il y aura, oui, enfin c'est même sûr, il y aura une séance de questions-réponses à l'issue de la projection. Et enfin, last but not least, il y aura un enregistrement en public de Floodcast, avec Adrien évidemment, mais aussi Patrick Beau, Navo et Sophie-Marie Laroui. Il y a moyen qu'on se marre, donc n'hésitez pas à prendre vos places sur framesfestival.fr. D'ailleurs, framesfestival.fr, sur le site, vous pourrez retrouver toute la liste des invités, les horaires de chaque activité au sein de ces deux jours, et je pense que voilà, ça va être plutôt cool. Donc voilà, framesfestival.fr pour prendre vos places, et je vous laisse avec votre épisode. Bisous. J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards ! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour et bienvenue. Ah oui, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast, le 14e de cette saison 3. Le 14e hors série quoi. Hors série, bah voilà. Toujours, on est comme ça. Je suis avec, vous avez reconnu évidemment la voix, Adrien Méniel. Je vais pas t'applaudir seul parce que ce serait un peu ridicule. Mais nous sommes avec Adrien Méniel et nous sommes uniquement avec Adrien Méniel. Nous ne sommes que tous les deux. Ben oui. Pour cet enregistrement. Si vous avez écouté tous les Floodcasts, c'est un truc qu'on avait déjà fait il y a quelques mois maintenant déjà. Sans doute. Parce que on n'a pas fait grand-chose déjà depuis des mois, donc c'est forcément... Tu sais que là, les gens auront déjà deux numéros. Donc ça, ça reprend oui, petit à petit. Pour eux, oui. Mais, mais pour nous, ça fait très longtemps. On enregistre tout en même temps. Donc. C'est ça, on est des fous. Et donc voilà, on prenait les appels... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je suis fou. Je fais ah le oui, fou. T'es complètement fou. Mais je me disais, qu'est-ce que c'est ce truc que t'as sur la tête? C'est un entonnoir. C'est un entonnoir. Normalement, en fait. C'est pour verser beaucoup de liquide dans un petit. Bah, moi, c'est pour ça, c'est comme ça que je dis que je suis pas du tout fou. Ouais, ouais, mais moi, c'est un chapeau carrément. C'est un chapeau que tu mets sur ta tête. C'est incroyable, t'es complètement fou. Donc, en fait, on appelait des gens, j'allais dire au hasard, comme Akia Kaito. Pas du tout. Pas du c'est tout. Exactement qui on appelle. D'ailleurs, c'est pas non plus au hasard, ces trucs. Alors. Ah, c'est sûrement un peu vrai. Donc, en gros, on va appeler des gens sur le Discord et pour répondre aussi à vos questions. Voilà, c'est un format qu'on aime bien faire. On est que avec vous, un peu dans l'intimité, un peu entre nous. Voilà. On mettra une petite bossa nova en fond musical pendant tout le long. D'ailleurs, je vais la mettre immédiatement. Floodcast. Ça dure 22 minutes, par contre, c'est le seul truc. C'est peut-être raciste, je sais pas. Dans le doute. Dans le doute, disons que oui. J'arrête. Donc, j'ai aussi quelques questions sur le Curious Cat, parce que, bon, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le fait de parler avec nous sur Discord, donc qui sont peut-être plus à l'aise cachés derrière leur écran à nous écrire textuellement. Presque pas mal cette phrase. Ouais. Presque pas mal, elle rimait et tout. Alors, j'ai quelques questions, je vais essayer de d'y aller, parce qu'il y a des questions très simples et des questions très... pas simples, compliquées, ouais, élaborées. Non, puis qui demandent des réponses parfois sur la vie entière. Ah ouais, donc, mais écoute, donc pourquoi pas. On est là, pour, on a tout le temps qu'on veut. On a tout le temps qu'on veut. Il n'y a pas Foucault derrière qui a une émission, on est sur le web et c'est libre. C'est pas la téloche ici, parce que nous, la téloche, bah, on trouve ça pas ouf comme invention. Mais ils nous donnent de l'argent pour travailler. C'est ce qui fait que je paye mon loyer. Voilà. Sinon, je pourrais pas faire ce podcast. Voilà. Donc, merci la télé, c'est ça que je voulais dire, en fait. Merci beaucoup à la télévision. Bien joué. Écoute, on va prendre un premier appel. Il s'agit sur le Discord. Alors oui, tu vas peut-être rappeler aussi vite fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a lancé un Discord. Alors moi, je suis un vieux monsieur avec Internet. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, n'arrive pas à rejoindre la salle Floodcast. Moi, je ne comprends c'est, pas. Voilà, on est vraiment un peu à la ramasse là-dessus. Heureusement, et je tiens à leur faire un énorme big up, on a deux modératrices. Il s'agit de Cid et de Amélie 3000. Merci, je savais pas. Font, ouais, elles, font, voilà, elles sont renommées les Flûtes Castaldi. C'est le nom que je leur ai imposé, Flûtes Castaldi. C'est génial. et donc, du coup, elles sont modo et elles réarrangent un peu le truc et tout parce que moi, je ne sais pas faire ça bien. Et en plus, elles sont très marrantes. Donc, merci à elles. On va prendre donc. Je comprends pas. Attends. Oui, c'est un bordel. Écoute. Bon, écoute, on va prendre le premier appel. Pendant que tu cherches, moi, j'ai amené quelque chose que quelques personnes m'ont réclamé. Oui. Et que dans l'émission avec Céline Tradnavi et Aurélien Prévost, je l'avais amené et puis j'ai oublié d'en faire profiter les gens. Il s'agit bien sûr de... C'est quoi on dit pipeau, flutio, flûte, alors, flûte c'est à pas coulisses ça, oui, une flûte à coulisses. Est-ce que cette flûte à coulisses a un prénom? Non. Ah putain. Non. Est-ce qu'on peut faire voter les gens, peut-être? On peut. Je serais ravi que les gens du Discord. Mais même les auditeurs, enfin sur Twitter et compagnie. Bah non, mais comme ça, on pourrait avoir un nom là tout à l'heure. Ah, tu mais vois ils nous écoutent pas du tout, Adrien. Si on demande sur le Discord. Ah, donc tu peux faire ça. Est-ce que tu maîtrises toutes les technologies? Tout ce qui est web. Ouais. C'était. Je suis très actif sur Internet. Alors, nous allons maintenant appeler Pierre. Alors, attendez. Eh ben, je veux pas le faire. Ça me fait chier. Sinon, je vais devoir checker, remonter les messages et tout ça. C'est une galère. Tu vois, tu t'es toi-même saoulé. Alors, Pierre. Et on sait de quoi vont nous parler les gens ou c'est le... Pas du tout. Alors, d'accord. Parce que la dernière fois, on savait un peu, non? Ouais, la dernière fois, il y avait un thème. Bon, j'ai laissé tomber cette idée. Pierre. Bonjour. Est-ce que tu nous entends, Pierre? Ben oui, je vous entends très bien. Ah, bah tu sais, c'est pas si évident pour nous parce que l'appel d'avant, on a galéré comme des cons. Pierre, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est-à-dire tout le monde, a priori. A priori, tout le monde. Sauf tes amis. J'ai 28 ans et je vous écoute de Nancy, c'est en Lorraine. Oh, oui. J'adore Nancy. C'est une... Fut un temps, j'ai nourri un couple qui était allé dans un mur à une vitesse incroyable parce que la personne vivait à Nancy. Du coup, je faisais des allers-retours en voiture assez régulièrement et je trouve cette ville magnifique malgré le fait que vous ayez des singes en captivité. Et ça, je pense pas Pardon que... Alors, c'était il y a vraiment longtemps, il n'y a plus trop de singes en captivité. Il y a encore quelques maquettes de Java, mais il y en a un peu moins qu'avant. Ah d'accord, parce que moi, dans le parc de Nancy... Ça remonte à l'époque quand t'habitais encore en Bourgogne, à mon avis, c'est un peu vieux. Ah non, je te jure, moi j'étais déjà sur... Enfin, ça doit avoir 5 ans. À 5 ans, il y avait encore des singes dans le parc. Il y avait quelques petits singes. Il y a encore des macaques de Java. Ouais. C'est ça, ouais. Ou alors c'était des enfants très laids. mais je crois que c'était des singes. Non, la ville de Nancy, je la trouve magnifique. Après, je te dis, toi, tu y vis, peut-être tu es plus... Ouais, moi, j'y vis depuis 12-13 ans, donc j'en ai un peu marre et je trouve plus trop ça trop beau. D'accord, ok. D'accord, bon, écoute, au moins, tu es mieux placé que moi. Moi, j'y allais uniquement pour voir une fille que j'aimais, donc ça rendait le truc peut-être mieux aussi. Si j'y retourne maintenant, peut-être je trouverais ça pas ouf. Pierre ? Connaissant un petit peu toutes tes histoires amoureuses avec le Floodcast, l'histoire-là, elle avait duré combien de temps ? Elle avait duré combien de temps ? En fait, c'est très, très dur à dire parce que c'était vraiment une relation très sur Internet. Enfin, c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. Je l'avais rencontré à la base au lycée. On s'était pas mis ensemble et on s'est mis ensemble un peu après en discutant. Et du coup, elle vivait à Nancy. Et on se connaissait de Bourgogne. Et on a... Ouais, si. Bah, c'est, en vrai, c'était mignon. En fait, ça n'allait nulle part et ça n'avait aucun sens. Donc, c'est ça qui fait que ça s'est arrêté. Mais le peu que ça a duré... Et ça a été un couple de, je pense, 6-7 mois sans la moindre relation sexuelle. Ah, ce qui pouvait être un peu compliqué sur le moment. Et avec le recul, j'y vois un truc un peu mignon, en vrai. Ouais, vraiment... bah, faut bien trouver un truc positif, mais... Bon, j'avais extrêmement mal aux couilles, mais... Elles étaient turquoises, je me rappelle à l'époque, je les avais vues. Couleur étaient... du ciel, comment tu les avais vues à l'époque? Non, je... Pierre, j'ai envie de dire, assez parlé de mes couilles, pourquoi nous appelles-tu? Moi, j'aimerais juste vous parler d'un sujet qui vous concerne pas mal. En fait, c'est je ne sais pas du tout de quoi vous êtes en train de parler puisque vous enregistrez à l'aveugle. Il n'y a pas de thème, c'est Floodcast. Mais ouais, voilà. Moi, j'aurais bien voulu vous parler du rythme dans l'humour et des vannes super bien placées. Parce que j'ai déjà communiqué un petit peu avec vous sur Instagram, sur des tout petits messages, des petits trucs comme ça. sur des vannes que vous avez fait par exemple et que je trouvais super bien placées, particulièrement Adrien, parce que vraiment j'adore Adrien, je suis vraiment tout ce que vous faites tous les deux, mais en plus Adrien. Oh, mais ça ne me vexe pas du tout. Non, non, mais je suis d'accord, non, bien sûr. Bien sûr. Non, mais pour le coup, en termes de rythme, Adrien est un sniper, voilà, mais c'est, voilà, c'est un tueur. Quoi. Bah, merci déjà. Pour avoir écouté les épisodes de Flowscat plusieurs fois, des fois il y a vraiment l'apogée d'un épisode sur une vanne ultra bien placé, je pense à des passages de Nicolas Bernot, je pense à Gaël Mektoub, des trucs comme ça, où ça monte en puissance, ça monte, et il largue un truc, et ça fracasse tout le monde pendant 15 secondes. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, vraiment. Et quand j'ai des relations avec des gens, quand je discute, parce que j'aime pas trop les groupes, les sorties, les soirées, tout ça, mais je suis plutôt fort en général pour discuter et faire de l'humour avec des gens. Ouais. Et c'est quelque chose que je cherche à atteindre, en fait. Comme un truc un peu sportif presque, en fait, c'est ça ? J'essaye d'atteindre ce truc, mais une fois que c'est passé, je n'enchaîne pas sur des vannes. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je me satisfais de quelque chose et je ne rigole pas, genre, en tapant dans le dos des gens. J'essaye d'en rester à là et vraiment de marquer quelque chose. Et quand tu vois dans les yeux des gens ou dans leur rire que vraiment tu as fait quelque chose ou que tu entends un rire chez un pote à toi, pour moi, c'est une vraie satisfaction, en fait. Bah, je vais laisser Adrien parler, du coup. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, moi, j'ai jamais appréhendé ça comme un objectif à atteindre. Enfin, c'est marrant parce qu'on en parlait justement tout à l'heure. Enfin, quand t'écouteras l'émission, tu l'entendras. Mais on disait qu'à la base, l'humour, c'est plus un mécanisme, en tout cas pour moi, un mécanisme de défense depuis que je suis enfant et qui devient ensuite une sorte d'artisanat, mais c'est quelque chose qu'on pratique un peu toute sa vie, enfin avant que ça devienne mon métier, quelque chose que je pratiquais toute ma vie sans me rendre compte que c'était quelque chose qui était perfectible et qui reposait vraiment sur de la technique, etc. Et toutes ces histoires de rythme, etc. C'est pas forcément des questions que je me posais, que c'est sans doute quelque chose que j'appliquais sans m'en rendre compte, disons, mais je n'avais pas conscience que ça existait. Donc effectivement, cette vanne bien placée, etc., c'était pas forcément quelque chose que j'appréhendais comme un objectif à atteindre ou quelque chose comme ça. Après, c'est sûr que, comme tu dis, c'est un peu ce que je dis dans, sans vouloir trop faire mon autopromo, dans le livre « Lettre à l'ado que j'ai été » de Jack Parker, où je dis... en fait, en tout cas en ce qui me concerne, c'est genre quand on a tendance à pas forcément avoir le moral au beau fixe tout le temps et le moral qui peut assez facilement retomber. Une façon de se maintenir à flot, c'est aussi de faire rire les gens autour de soi pour être tiré vers le haut en termes de morale. Donc effectivement, mais ça se, comme tu dis. C'est pas seulement un truc égoïste comme ça, c'est aussi effectivement de voir le rire chez les gens, de voir que tu leur apportes quelque chose. Je sais que moi je suis avec ma copine depuis 12 ans et elle me dit j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui me fait rire tous les jours, et c'est vraiment un truc je suis vraiment en train de raconter ma vie en monologue, mais c'est vraiment c'est en fait, c'est ça que j'adore dans l'humour, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu peux vraiment apporter quelque chose de quand même assez fort à quelqu'un avec rien du tout, en fait. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui sort du néant complètement, une vanne, c'est vraiment un truc qui sort de ta tête comme ça, et ça peut vraiment apporter quelque chose aux gens, en fait. Quoi. C'est ça que je trouve super. Quoi. Je me permets de citer un mini-exemple. Je t'avais juste félicité une fois sur Instagram parce que tu as fait une pub pour Viveldop. Et à un moment, tu dis, tu sais ce que je ferais bien là ? Le personne répond non et tu dis un ou non. Ouais. Et vraiment, c'est l'apogée de la pub, elle est là, tu vois. Et je t'avais félicité, tu m'as dit, c'était de l'impro. Effectivement. Est-ce que tu te rends compte quand t'as fait une vanne comme ça, est-ce que tu te dis, ils vont la garder au montage ou est-ce que les gens rigolent, juste savoir, tu vois. J'avoue que c'était ça il y a un vite, moment. Ça va vite en plus, ça va vite en fait. Enfin, moi je me permets juste, quand tu sors une vanne, ça va très vite. Donc je sais pas, même pas si t'as le temps d'analyser vraiment tant que ça. C'est vrai que là à l'époque, en plus c'était un tournage particulier parce que c'était en pleine nuit, il faisait vraiment très très froid. Et, et t'étais bleu quand même. J'étais bleu et j'avais juste envie qu'on termine, et donc je me rappelle plus trop de ce que j'ai pensé. Et puis d'empocher ton gros chèque surtout, Adrien. C'était effectivement mon premier gros chèque. Et peut-être le seul. Non, mais... je me souviens que les gens avaient ri à ce moment-là. Et évidemment, j'étais content. Mais je ne savais vraiment pas si ça allait être gardé au montage. Parce que tout dépend des réalisateurs. Ceux qui... y en a qui aiment l'impro, il y en a qui aiment pas ça, qui préfèrent se rester sur le texte qu'ils avaient, quoi. Surtout en pub, hein, en plus. Ce que j'allais dire, pardon. Encore plus en pub. Non, mais au contraire, tu fais une excellente introduction. Non, mais en plus, encore plus en pub où il y a vraiment tellement de gens qui donnent leur avis que tu sais jamais ce qui va rester au final. Même les trucs qui étaient dans le texte au départ, des fois, ça dégage. Mais du coup, c'est vrai que j'étais content que cette blague reste. Reste au montage, d'autant plus que maintenant que j'y pense, Uno c'est une marque. Donc ouais, c'est incroyable. C'est que ce fou soit, qu'il l'ait laissé. Qu'il l'ait laissé dans une pub. C'est le début d'Internet, c'est le bordel. Ouais. Hein. Et pour prendre un exemple avec Flaubert, est-ce que toi, de ton point de vue, un mon père m'a jamais dit je t'aime bien placé, comment tu vois, tu vois ce que je veux dire, parce que ça, c'est un des premiers souvenirs les plus marquants que j'ai, toi, pas des premiers souvenirs, mais un des souvenirs les plus marquants. Quand tu places ça à la fin du oui, à la oui. Fin de la voie, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est beaucoup Carlito qui faisait ça. Carlito du duo, du binôme, McFly et Carlito. Et je me suis retrouvé dans cette blague. Non, en fait, mais ça, alors c'est encore différent. C'est plus un truc de tabou. Et du coup, je trouve ça c'est drôle de le dire, quoi. Mais c'est tout le concept aussi de ce podcast, en fait. Moi, j'aime bien. En fait, j'ai pas beaucoup de pudeur sur les loose que j'ai. J'ai énormément de pudeur sur ce. Les choses bien qui m'arrivent, les moments de bonheur que je peux avoir en couple ou les beaux moments, en fait. Je garde beaucoup les beaux moments pour moi et j'en parle même pas en fiction. C'est des trucs que je garde vraiment pour moi et je pense que parce que ça me rend heureux et ça me fait du bien et j'ai pas envie de le partager. En revanche, c'est vrai que sur les moments de loose, de merde, alors peut-être que c'est un côté aussi, il y a un côté, comment dire, pansement qui est sûrement là aussi. Mais du coup, je trouve aussi, ça. Timing, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est. Après, le timing, je te dis, moi, c'est vraiment un truc de. Je pense, alors je vais faire une métaphore foot, parce que je vous rappelle quand même qu'on est champion du monde. Non, je pense que c'est un moment, tu as une occasion et tu tires, et je pense pas que c'est très réfléchi, en fait. À la limite, tu t'es bien placé, mais une fois que tu tires, quoi. Et la vanne, je pense que c'est ça. J'avoue que le timing, en tout cas, pour moi, Florent, c'est pas si prémédité que ça. Et si vous saviez, et souvent d'ailleurs, il y a plein qui tombent à côté, il y en a plein qui sont justement qui peuvent être drôles mais qui sont pas dans le bon timing, voilà, hein, c'est mais pas... pour poursuivre ta métaphore de foot, tu sais que j'adore le foot, en plus, donc non, mais en fait le truc c'est que effectivement sur le moment c'est instinctif plus ou moins parce que t'es dans l'action et t'as pas le temps de calculer. En revanche, c'est le fait d'avoir fait des mouvements et joué pendant des années et des années qui fait que sur le moment tu vas spontanément prendre la bonne décision, te placer au bon endroit, etc. Et c'est la même chose en humour, en fait. C'est vraiment le fait de s'entraîner, en fait, juste de faire des blagues tout le temps, et je pense que ton cerveau de façon inconsciente fait le filtre, se dit ah ok, donc là c'était un peu trop tôt, là un peu trop tard, là ça fait pas rire, etc. Et en fait après spontanément, bim, tu vas sortir la blague au bon moment, le bon mot qui va, etc. Et après, c'est comme tout, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de... c'est d'entraînement. D'entraînement, de travail, de pratique, en fait. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Oui, super. Je pourrais parler des milliards d'heures. Écoute, Pierre, on a d'autres auditeurs, malheureusement, mais je te fais de gros bisous. Je te remercie. Merci pour ta question qui était très pertinente et très intéressante. Et puis, très pointue, parce que tu as des références très pointues. Ouais, et merci de nous écouter, merci de ton soutien, ouais. Ça fait plaisir. J'ai hâte d'écouter les trois floodcasts qui sont en attente avec celui-là. Écoute, il y en a un avec Dedo qui ne sort pas, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Il y en a un avec Dedo qui est sorti, celui avec Dedo. Il n'y en a pas un qui a été enregistré avec Davy Mori ou je ne sais pas quoi. Avec Davy, mais il n'y a pas Dedo. C'est en fait celui que toi, tu n'as pas encore entendu, car je le rappelle, nous sommes dans le passé actuellement pour les auditeurs. Ouais. C'est avec Davy Mori, François Descraques et Jeune Rachid, pardon, et Baptiste Lorbert. Et voilà, et celui-là, écoute, quand tu écouteras ce podcast, il sera déjà sorti depuis 2 semaines. Tu te rends compte un peu ? Ah, c'est fou de vivre dans le passé comme ça. Bon écoute, Pierrot. Pierre, je te souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt. Ça marche, salut. Salut. Merci, ciao. Nous allons appeler dorénavant celui que l'on nomme Joey Star. Non, pas du tout. On va appeler Biggie Sauce. Ah bah oui, souvent, je discute avec lui parfois. Ah d'accord, je pense que c'est un pseudonyme. Non, non. Il s'appelle Biggie, c'est son prénom. Il s'appelle, non, il s'appelle Biggie Sauce. Et Biggie. Son nom de famille, c'est Biggie Sauce Chambellan. t'excuses pas de rire à mes blagues, Adrien. Non, non, c'est parce que je t'ai repris et j'avais fond. Bref, c'était nul, on coupera ça. Biggie Sauce, est-ce que tu m'entends? Oui, allô, et vous m'entendez? On t'entend absolument. Extrêmement bien. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, écoute. Tu ne souhaites pas communiquer ton vrai prénom? J'allais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais si, mais d'ailleurs. C'est Amine. Oui. C'est Amine, et si je ne me trompe pas, tu joues un videur dans un sketch de Le Pérave, non? C'est ça? Exactement. Oh là là, bah voilà, mais moi je connais les bails. J'adore les bails. Oh, le physionomiste que tu es, Adrien. Bah non, c'est lui qui jouait le physionomiste. Oh là là, on parlait de timing. Ouais. Donc, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Amine, j'ai 32 ans, je suis au chômage. J'essaie de faire de mon métier le même que le vôtre, c'est-à-dire auteur. D'accord. Ok. Tout doucement. Bah écoute, ça prend du temps de toute façon, donc tu ne peux le faire que tout doucement. Il n'y a que des gens comme Léopold qui brûlent les étapes et puis bah, qui, on le sait, mourront dans la drogue dans un an. Oui, bon après il a juste une chaîne YouTube au succès modeste, hein, faut pas non plus... Biggie Sauce, peux-tu nous donner la raison de ton appel, s'il te plaît? Alors je voulais savoir si je pouvais plutôt poser une question plutôt qu'une anecdote. Oh, je t'en supplie, tu as le droit à ce que tout tu veux. Tout est permis, tu peux faire des imitations, on peut tout faire. On a beau pas être vendredi, tout est perdu. Je préfère te le dire. Donc, j'avais une question vraie hip-hop. Aïe, ouais. En fait, une fois, Adrien, je crois que tu avais dit que tu étais plus rough que Booba, il me semble. Exact, c'est vrai. Et surtout, en fait, c'est la dénomination vraie hip-hop. Tu avais dit Booba, pour moi, c'est pas le vrai hip-hop. Ah oui, bon, après c'est plus, c'est une vanne hein, quand je parle de vrai hip-hop. Donc, regardez-le, il chie dans son froc, il va se faire tabasser, là. Ouais, non, bah... mais je voulais... C'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Je voulais juste savoir si vraiment tu avais une dénomination pour le vrai hip-hop. Je t'explique pourquoi, en fait. C'est juste que vas-y. Je suis fan de rap depuis très longtemps. Et effectivement, j'avais en tête cette idée avant qu'il y avait le vrai hip-hop et le faux hip-hop. Ouais. En pensant que c'était du rap conscient. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu évolué et je me fous un peu, en fait. Et je trouve qu'il y a du bon hip-hop, du mauvais hip-hop, pas du vrai hip-hop. Bah écoute, non, mais moi je suis complètement d'accord avec ça. Moi, quand je dis je représente le vrai hip-hop, ça, c'est évidemment une blague sur le fait que je le représente absolument pas. J'ai grandi dans une ville bourgeoise des Yvelines et je représente. Enfin, j'écoute beaucoup de. Enfin, pas mal de hip-hop, mais pour autant, je suis pas tellement connaisseur ni représentant de quoi que ce soit. Et donc, non, je pense pas du tout qu'il y ait un vrai hip-hop. Enfin, de toute façon, moi je suis toujours très méfiant. Déjà, moi, de manière générale, je déteste les puristes, en fait. Quel que soit le domaine, c'est toujours foireux, en fait. Il y a toujours comment dire ? Ça représente toujours un rejet du progrès et de l'évolution, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, l'évolution, c'est une bonne chose, en fait, quoi. Donc, il n'y a pas de vrai hip-hop. Et de faux hip-hop, parce que sinon ça revient. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais ado et que j'écoutais du rap, donc je rappelle que j'étais dans une ville assez bourgeoise, donc c'était pas forcément tout le monde qu'en écoutait, et les gens disaient c'est pas de la vraie musique le hip-hop, tu vois. Et du coup, j'ai oublié le mot que je voulais dire. Non, mais perpétuer, voilà. Kayak. C'est comme faire du kayak, exactement, quoi. Non, mais perpétuer ce genre de conneries, de dire c'est pas du vrai ceci ou du vrai cela. Généralement, c'est juste des gens qui ne comprennent pas que les choses évoluent, quoi. Donc non, je ne pense pas que Booba, c'est pas du vrai hip-hop. Cela dit, c'est vrai que je préfère Rof à Booba. Et Roh2f, hein, d'ailleurs, pour les gens connaissent le vrai hip-hop, pour le coup. Eh bien, voilà, Biggie Sauce. Toi aussi, d'ailleurs, Biggie Sauce, j'ai l'impression que tu adores le rap, le vrai hip-hop, pardon. Oui, j'aime beaucoup. Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu as rappé toi-même? Quand j'étais très jeune, très, très jeune. Est-ce que tu avais un nom de rappeur ou pas du tout? À l'époque, oh là. Biggie Sauce. Je crois que c'était HH. C'était un peu pourri. HH pour hip-hop? Ouais. Ah non, oui? Même pas. Oh putain, c'est con, ça marchait bien. C'était rap. Non, c'était ASH, ASH. Et en fait, ça vient de Hashashin, qui est le mot qui a donné le mot assassin en français. Oui, c'est un mot arabe, ça. Exactement. Ouais. D'accord. Et c'était un diminutif de ça. D'accord, donc t'as complètement. Pour un Kenaton à l'époque. Ouais. Oui, et puis Assassin, t'as complètement plagié le frère Cassel, c'est ça en fait. Oui, c'est vrai. C'est voilà, vrai. Complètement. Bon, eh bien le écoute, Crochon. Merci beaucoup, Biggie Sauce, pour ton appel. Merci à vous. Attends. Et puis merci pour tout ce que vous faites. Ah bah. De suivre vos projets encore. Bah, merci à toi. Merci et puis bon courage pour ton odyssée de devenir auteur, parce que c'est la galère et ça prend du temps. Mais normalement, tu devrais en tirer quelques moments de bonheur, si tout se passe bien. Voilà. Bah merci beaucoup. Merci mec. Bon, passe une bonne soirée. Ciao. Bonne émission. Ciao. Bye. Oh là là. Hey. Désolé, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle. Écoute, Adrien, je parle tout le temps dans ce podcast. Il n'y a aucun souci. Bon, et je pense que les auditeurs sont heureux d'entendre un petit peu ta voix. Après, pour me défendre, il y a eu 2 émissions, voire plus, où je n'étais pas là. Donc je peux rattraper. Il y a eu 1 milliard d'émissions où tu n'étais pas là. Je me rattrape un peu. Qui était quand même super. J'ai été remplacé par Flan, je te parle. Donc bon. Maintenant avec Mimi, allô. Oh, bah ça va à une vitesse. Oui. Bonsoir, c'est incroyable. Comment tu t'appelles? Si ce n'est pas indiscret, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, moi c'est Emile, enchanté, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci Emile. On sent une émotion dans ta voix. Ouais, hein, t'as vu, un peu. Ça fait longtemps que je parle plus. Ah, coup, tu es dans un monastère? Non, je suis chez moi, je suis tout seul chez moi, je regarde un documentaire. Tu regardes quoi? Et Smash Brothers. Tu viens d'inventer. Ça, c'est un jeu. Smash Bros, c'est un jeu. Tu viens complètement d'inventer un titre. Tu étais en train de regarder un porno et t'as fait ouais, c'est un documentaire. Super Mario Bros. Non, c'est un documentaire sur Smash Bros, justement. Ah, d'accord. Très bien. Un gros gamer. Ouais, j'en suis là. Ouais, très longue soirée. C'est compliqué. Oh, écoute, que fais-tu de beau dans la vie si ce n'est pas indiscret? Je travaille à France Télévisions. Oh, d'accord. Je fais de l'IT en gros. Hein. Qu'est-ce de l'IT? L'informatique. Oui, bah, je demandais pour les gens, Adrien. IT Crowd. Merci. Une sorte de maintenance, ouais, voilà. C'est pour ceux qui connaissent l'IT Crowd, c'est exactement ça. D'accord. Et ça va, tout va bien? Bah, écoute, t'as 2-3 heures là qu'on parle de France Télévisions. Oh, bah écoute, j'aimerais toucher de l'argent de cette entreprise, donc on va éviter d'en parler, tout simplement. Voilà. Non, mais est-ce que c'est vraiment l'enfer parce qu'il y a tellement de postes et de gens que t'as jamais de temps libre? Ou alors est-ce que c'est justement comme The IT Crowd où en fait tu relances l'ordi de la personne à distance et c'est tout quoi? Mais t'as bien résumé, alors juste t'as beaucoup de temps libre. Tu t'as dit ouais. Pas de temps libre, mais en fait, au contraire, en plus, t'as du temps libre. D'accord, ok. Donc, que, la bonne planque. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est putain, tu sors les mots de ma bouche. Quelle est la raison de ton appel, mon bon Émile? Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un Discord des gens et aucun thème. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait. Donc, tu n'as rien à dire. Hein. mais c'est ce que vous dites, enfin, c'est ce que vous avez mis, non? Il me semble, il n'y a pas de. Alors c'est. Bon. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de thème. Après, c'est vrai que les gens qui appellent ont quand même des idées de ce dont ils veulent parler. Ah oui, non, mais je me suis perdu. Hein. Vraiment, t'étais sur le Discord ou pas du tout avant, d'ailleurs? Non, je viens de le rejoindre ce soir. Là. D'accord. J'ai galéré à le trouver. Hein. J'ai creusé Twitter. Ah ouais, à ce point? Ça se dit. Ça se dit. Ouais, c'était pas évident. Parce qu'en fait, Adrien fait des stories et il dit pas le lien. Enfin, bah non, mais... Alors, oui, alors moi, parce que j'ai justement fait une story en disant « Allez sur le Discord du Floodcast ». Et alors, moi, pour ma défense, à ma décharge, voilà. Les deux. J'utilise jamais Discord, mais j'imagine qu'il y a, si tu cherches Floodcast, tu tombes sur, non? J'en sais rien. Non. Franchement, il n'y a pas ce système de... Ça ne marche pas comme ça? En fait, il faut une invitation, enfin un lien de... Je suis une merde, d'accord. Normalement, sur Twitter, j'ai mis un lien qui ne se périme jamais. Donc techniquement, tu pouvais rejoindre le Discord. C'est comme ça que je l'ai fait tout à l'heure. Bon, tu vois, au final, hein. Mais c'est bien, on est entre vrais, j'ai envie de dire. Ben voilà. Nous sommes entre vrais. En fait, on te demanderait bien une anecdote un peu sympathique sur France Télévisions, mais peut-être que tu as envie de garder ton emploi, en fait. J'ai rien préparé, mais j'ai vu plein de choses. Hein. Je sais pas si je peux tout raconter. Vraiment. Non, mais alors peut-être on peut parler un peu en énigme. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont l'équivalent de ma mère qui te demandent des trucs extrêmement basiques alors qu'en fait il suffit de cliquer sur la croix ou des trucs comme ça ou pas? Ah mais oui, non mais j'ai tous les jours. Tous les jours, très trucs. Bien. Ma deuxième question, est-ce que David Pujadas te l'a demandé? C'est ce que j'allais dire. En fait, il a un assistant. Ah qui, putain. Et oui. Mais il est plus là, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas regardé la télé depuis 2007 à peu près, donc je ne peux pas vraiment savoir, pour être tout à fait honnête. D'accord, et est-ce que, parce qu'évidemment tu es dans Floodcast, tu écoutes un peu Floodcast ou pas du tout? depuis le tout début, j'ai envie de dire. Mais, ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que du coup, forcément, puisque ça fait partie quand même des grands thèmes de Floodcast, est-ce qu'il y a eu des historiques à nettoyer, si tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu des... Écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai des publicités pour des meufs bonnes, apparemment. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, les gens de l'infographie, beaucoup. Enfin, tu sais, tous les graphistes... Ça met du porno chez les graphistes de France Télé, c'est ça? Exactement. Alors après, il y a un pare-feu hein, quand même. Donc, on essaye de gérer ces trucs-là. Mais il y a toujours des débordements, des mecs qui arrivent à choper les mots de passe. Tu sais pas comment. Ah, vache, d'accord. Donc, pour avoir un peu de porno. Plaisir, ouais. Ouais, du porno, des jeux, des trucs, un peu de tout, quoi. D'accord, bah écoute, bah, je suis ravi. Pas si étonnant finalement. Bah, je pense que quand tu bosses sur les graphismes de Slam et de Motus toute la journée, je pense qu'à un moment, tu dérapes, quoi. Tu vois, il y a un moment, tu en as marre de voir Cyril Ferraud, quoi. Ouais, c'est compliqué. Bah écoute, Émile, merci beaucoup de ton appel. Pour c'est un plaisir. Ce petit regard dans le coin de la... Je sais pas où j'allais avec cette phrase. J'allais dire coin de la serrure, ça veut rien dire. En tout cas, bah, merci de ton appel. Et puis, bah écoute, à très bientôt. Bah, au plaisir, les mecs. Bisous, Émile. Bonne journée. Ciao, bye. Bye. On a eu Émile et maintenant, nous appelons Lucho Gonze. Lucho Gonze. Peut-être, je sais pas. Précise aux gens qu'il faut qu'ils aient peut-être quelque chose. C'est mieux s'ils ont un truc à raconter. Ouais, il faudrait que je le dise sur le Discord quand même. Lucho, tu es là? Bonsoir, Lucho. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Écoute, on va très bien. Lucho, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, qu'est-ce que vous souhaitez savoir exactement? Oh, ben non, mais te présenter en quelques mots. Voilà. Où tu habites, viens, comment tu t'appelles, ton âge, voilà, et aussi, ce que tu veux, quoi. Et ta couleur préférée. Alors, je m'appelle William, je viens de Laval. Vous connaissez un peu? Absolument pas, c'est vaguement, où? Vaguement. C'est où? C'est... Alors, la description logique qu'on utilise en général pour définir où est Laval, c'est entre Le Mans et Rennes. D'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est à peu près une heure entre les deux. Non, j'allais dire Pays de Loire. Non, pas du tout. Si, c'est ça. C'est ça, ouais. Oh, joli. De la Bretagne. Tu es ligérien, c'est ça? Exactement, ligérien. Voilà. Il adore la géographie. J'adore ça. Ne le lancez pas là-dessus. Ne le lancez pas là-dessus. Après, on part pour deux heures de géographie. D'ailleurs, t'as un podcast, je crois, sur la géographie. Sur la géo, c'est On perd pas le Nord, ça s'appelle. Très très bon podcast. Vous êtes 237e, je crois, sur le classement. Exactement, iTunes, ouais. Dans la catégorie géographie. Lucho, j'ai déjà perdu le nom. Lucho Gonze, je l'ai dit avec un accent qui n'est Lucho pas le bon. Gonze, Lucho Gonze, peux-tu nous donner la raison de ton appel, s'il te plaît? Je voulais vous raconter une petite anecdote. Bah voilà. C'est le genre de la maison. Absolument. On aime bien, on aime bien. Écoute, nous sommes tout oui. C'est à base de fesses, hein, parce que c'est aussi que. L'air d'apprécier. C'est aussi le genre de la maison. C'est, voilà. Un des genres de la maison. C'est vrai. Donc, j'ai actuellement 26 ans, je ne l'ai pas signalé. Et en fait, c'est une anecdote qui remonte au collège. Je crois que ça devait être en 4e. Une histoire et de fesses qui remonte au collège, donc. Hein. Ah, ça dépend de quelles fesses. Oui, d'accord, on va voir. Et je te laisse continuer. Je mets des petites barrières. Les fesses sont toujours les miennes, mais elles ont un peu changé en peu temps. D'accord. C'était donc à l'époque où on allait à la piscine. C'est pas forcément ma période préférée parce que je suis un piètre nageur. Ah, ça c'était avant que Macron passe au pouvoir. Hein. À l'époque, on pouvait aller à la piscine. Hein. Non, on peut plus. Hein. Et donc, je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans. Faut savoir que je suis malentendant. Donc, quand on va à la piscine, j'enlève mes appareils D'accord. pour aller nager. Ok. Donc, éventuellement, il y a des choses que je ne peux pas entendre. D'accord. Et on se retrouve dans le vestiaire. Après ce cours de natation, bon, moi je mets un peu de temps à me changer, à mon habitude. Il s'avère que les trois quarts de la classe étaient quasiment déjà habillés. Moi j'étais encore en train de me sécher. Et là, donc, t'as mon meilleur ami qui est à côté de moi et qui me dit t'es un peu à la bourre là, tu fais quoi si le prof rentre dans le vestiaire? Moi, très intelligemment, avec mon cerveau de gamin de 14 ans, je me retourne vers la porte en tendant mon cul. J'écarte mes deux fesses allègrement. Oui. Et c'est le moment qu'a choisi le professeur de sport pour rentrer dans le vestiaire. Moi, j'aime le fait que tu aies écarté ces deux fesses. Oui, bah exactement. En précisant, s'il rentre, je fais ça. Et ben, en tout cas, tu n'es pas un menteur. C'est ce que... Voilà. Et donc, il est rentré. Et le seul truc qu'il a trouvé à dire, c'était pas beau à voir. Oh, c'est vrai, une blague de prof. Oh, ben, ouais. C'est pas beau à voir. Oh, c'est du joli. Mais cela dit, c'est voilà. Mieux que s'il avait dit l'inverse. C'est... passage-là. S'il avait fait oh, top! Excellent anus! Bravo comment pour cet anus! D'accord, donc tu as montré ton trou de balle. Alors, il n'y a pas eu de suite, de conséquences. Il t'a pas été collé ou un truc comme ça. Enfin... Non, je sais qu'il m'a juste regardé un peu bizarrement le reste de l'année. Je pense que ça a dû circuler dans la salle de prof. Ah oui. Oh bah, c'est sûr et certain. Tu as été une bonne anecdote de prof, ce qui est quand même déjà pas mal. Ayant circulé dans des salles de prof un peu il y a quelques années, en tant que personne handicapée, ayant côtoyé pas mal de profs, je sais que ça circule beaucoup. Alors. Encore aujourd'hui, genre ton histoire, ce serait trop bien ton histoire 20 ans après. Vous savez, l'enfant au trou de balle. C'est moi. C'était pas le même établissement. Tout le monde se retourne et t'as le froc baissé, le cul écarté. C'est lui, regardez. Je le reconnaîtrai entre mille. Ce poil-là, voyez. Ouais. Reconnaître. Bah écoute, Lucho Gonz, merci beaucoup pour ton appel. Ouais, je suis désolé. Bah non, tu rigoles ou quoi? C'était magnifique. C'est une très belle anecdote. C'est une très belle anecdote. Il y a un trou de balle. Très efficace. Elle a pris 10 points déjà de base. Donc. Bon, bah écoute, Lucho Gonz, passe une excellente soirée. Merci pour ton appel. Bah, bon courage à vous deux. Écoute, bah, ça va, ça, on est tranquille. Ça demande peu de courage. Ouais, vraiment, ça va. Il y a pompier, par exemple, demande plus de courage qu'enregistrer un podcast. C'est pas faux. Bon, merci beaucoup, Lucho. Ciao. Bonne soirée, salut. Bye. Nous allons maintenant appeler Lubino. Lubino qui a un Lego dans son avatar. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont un Lego de. Ah, tu as décroché, Lubino ? Allô. Est-ce que tu nous entends, Lubino ? Oui, je t'entends. Ok. Ouais, est-ce que tu peux parler plus près de ton. J'ai vraiment l'impression d'être D-Fool. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus près de ton micro, s'il te plaît ? Alors là, c'est très étrange. Je me rapproche de mon ordinateur. D'accord. Ouais, désolé, parce que sinon, tu n'entends pas très bien. Lubino, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Lubin, dans la vraie vie. D'accord. Bah déjà, tes parents ont beaucoup d'originalité, ce qui les différencie des miens. Non, voilà. Alors, ce que je voulais écrire dans le... je pense que vous en avez déjà parlé, mais c'était à propos de... J'ai écouté le Comédie News Gothique d'aujourd'hui. D'accord. Tu sais. J'en avais sans doute déjà parlé, mais... Ah non. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à la table de Dan Gagnon à propos de Flaubert, en tout cas. Alors oui, donc pour resituer un petit peu, alors il faut que tu saches Lupin que toi Lupin. Bon, évidemment tu ne peux pas le savoir, mais nous sommes dans le passé actuellement car maintenant les Floodcasts, je les enregistre avec un petit peu d'avance. Donc sache que pour toi nous sommes mi-août, début août, mais sache que pour les gens nous sommes mi-septembre, voilà tout simplement. Donc peut-être que ce podcast de Comedy News Weekly sera sorti depuis longtemps. Peut-être qu'ils n'en auront pas fait d'autres et se seront rendus compte qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour faire plusieurs émissions. Écoute, comment réagir ? Donc en fait, toi, tu n'as pas dû l'écouter, Adrien, ça fait longtemps que tu n'écoutes plus Comédie de Weekly parce que c'est vrai. Te préserves, tout simplement. Voilà, le verbe est se préserver. Ils m'ont attaqué une fois de plus. Mais il faut savoir que Dan Gagnon survit actuellement dans le monde du podcast uniquement en m'attaquant. Tu vois, tu es la deuxième personne qui parle de Comedy News Weekly dans cette émission et la première personne avouée en avoir entendu parler grâce à nous. Quoi. Donc, voilà. Malheureusement, comment tu as connu Comedy News Weekly, toi ? Grâce à vous. Ah voilà. Putain. Pardon, je suis désolé, Dan. C'est pas du montage, hein. Non, c'est vraiment juste. Voilà. Le public parle, en fait, Dan. Donc moi, je suis désolé, je pourrais hurler comme tu le fais, hurler des mensonges et les gens y croiraient. Pour compenser. La faiblesse d'une blague. Oui, la faiblesse d'une blague ou même la faiblesse d'un public qui est absent, en fait. Tout simplement, c'est quand même. Tu sais, en fait, ils sont partis comme News Weekly, puis après, ils sont revenus, ils ont fait voir, on a reçu plein de messages. Tu regardes sous le tweet d'Anthony Merelli, c'est 5 tweets, c'est pathétique. Ils se sont dit, 5 personnes, c'est bon, on revient les gars. On revient, ok, calmez-vous. 5 personnes qui ont dit, Anthony Merelli, c'est pas tout le temps, je pense que c'est... Il se plaint beaucoup, Anthony Merelli. Mais bon, écoute, moi, je ne vais pas juger Anthony parce que il a au moins il a l'humilité de reconnaître qu'il n'a pas énormément de charisme. Là où Dan n'en a pas non plus et du coup pense que hurler parce qu'il a un accent marrant, il pense que hurler le rend charismatique. Bon, évidemment, les gens ne sont pas dupes. Hein, les gens ne sont pas dupes. Mais donc voilà. Non, donc pour répondre à ta question, Lupin, on n'aime pas trop répondre méchamment, donc on va laisser un peu couler. On va attendre que Dan mûrisse, voilà, tout simplement. Et puis voilà, Lupin. Lupin, je t'ai confondu avec un célèbre criminel, excuse-moi. Ouais. Ou un professeur de Poudlard. Oh là là, Mais attends, Adrien, t'es un pur geekos ou... Je suis un putain de gros geek. Mais t'es un Potterhead. Quelle est ta maison, Adrien? Serdeg, bien sûr. Ah, quel Serdeg, c'est Adrien. On vous connaît, hein. Ton animal... Ah putain, je connais pas. Merde, c'est quoi, animal non, totem pas... Non, le Patronus. Tu... Oh là là, mais t'es complètement féru d'Harry Potter. Mais ou quoi j'adore ça. Bon, merci beaucoup, Lubin, de ton appel. Et n'hésite pas à ne plus jamais écouter Comedy News Weekly, hein, évidemment. J'écouterai quand même. Bon, on va te raccrocher au nez, salut. Salut Lubin, ciao, bye. Nous allons appeler immédiatement Lilop. Lilop qui va du coup, je l'espère, répondre au téléphone. Lilop, pendant ce temps-là, évidemment, nous allons vous faire réécouter notre chanson de Bossa Nova, toujours sans savoir si c'est raciste ou non. Bam, bada, soula, soulela, lila, la soumena, lila, lila, lula, lila, lila, souma, bam. Lilop, qui nous fout un deuxième vent, hein, très clairement, donc on va peut-être arrêter de s'attacher un peu à cette relation en sens unique que nous a. Ah, Lilop, tu es là? Oui. Formidable. Écoute, mon cœur a fait boum. Voilà, la manière, je sais plus, qui chantait Charles Trenet. Charles Trenet, bien sûr. Lilop, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Pénélope. D'accord. Et bah, j'habite à Clamart dans le 92. J'ai 18 ans. 9 de I, hein, évidemment. Eh bien, bienvenue. Bienvenue. Tu es la première invitée de genre féminin de cette soirée. Eh oui. Lilop, peux-tu nous dire pourquoi, quelle est la raison de ton appel, tout simplement? Bah, j'écoute, j'ai découvert qu'il n'y a pas si longtemps que ça les podcasts, mais je vous connais tous les deux depuis assez longtemps. Via Golden Moustache, j'imagine. Voilà. À la story de Adrien Méniel cet après-midi. Enfin, du coup, cet après-midi, parce que moi, je ne suis pas en France, là. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et voilà. Bah, tu as eu raison. Pourquoi Alors, si ce n'est pas indiscret, hein, toujours, pourquoi n'es-tu pas en France? Parce que je suis en vacances à New York. Oh là là, stylé. Ça aurait été marrant que tu dises pour fuir les impôts, tout simplement. En vacances à New York, d'accord. Tu étais déjà allé à New York? Oui, j'étais déjà allé en 2012. D'accord. Très peu de temps après Non, c'était 11 ans. Oui, oui, c'était non, putain, oui, putain, c'est le temps, les jours passent comme des voitures, c'est 2000. Je confonds. Oui, oui, non. Gerbe, donc, fais-toi vomir, Adrien. Je vais gerber dans un gobelet en plastique. Voilà. T'es en vacances combien de temps, Lilop? Je suis en vacances une semaine. Je repars lundi là. D'accord, ok. Bah écoute, tu t'es fait quoi? Tu t'es fait le petit tourisme de basique ou tu t'es dit, vas-y, je fais comme si j'étais vraiment new-yorkaise et tu t'es baladé sans trop savoir où aller? Bah, un peu des deux. On s'est baladé sans trop savoir. Puis on est quand même. On a quand même allé dans les endroits clés et tout. Voilà. On a fait un peu des deux. Bah, c'est parfait. Moi, pour moi, c'est les meilleures vacances. Façon, voilà, ouais, tout à c'est fait. Les meilleures vacances. Donc là, attends, là, je vais devenir vraiment ton père énormément beauf, mais. Et quelle heure, là, chez toi? 15h? Putain. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fous à nous appeler? T'es à New York? Bah, en fait, genre, ma petite vie, hier, on a eu une journée assez violente pour mon petit corps. Et, d'accord. Ce matin, voilà, on est allé au MoMA. Elle a fait un fight club. On attend de ressortir. D'accord. Donc là, tu es dans ton hôtel. Exactement. D'accord. Il ne fait pas très beau, voilà. Je me plains, mais... Non, tu t'es pas plaint, tu as énoncé des faits sans aucune arrière-pensée. Non, tout va bien. Et alors, quelle est la raison de ton appel? Bah, voilà, je veux aussi vous dire que j'adore vraiment vos podcasts. Ah, c'est gentil. Vraiment, je les regarde en m'endormant. Et je m'endors tous les soirs avec vous. Du coup... C'est voilà. Plutôt gentil, je crois. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Alors, ça va, on t'aide à t'endormir? J'aime beaucoup. Bon, bah écoute, merci beaucoup Lilop pour ce gentil message. Écoute, j'ai envie de te dire. Tu parles lundi, c'est ça? Ouais. Eh bah écoute, j'ai envie de te dire, profite de tes derniers jours de vacances. Que fais-tu à la rentrée? Quel est ton. À la rentrée, je commence mon première année de médecine. Oh! je panique un peu et je profite de mes derniers instants de liberté avant. Bah, avant de. Oui, de plus avoir de vie, c'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est ce que disent les gens qui font médecine, effectivement. Apparemment, c'est une tannasse. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais bon, on verra bien. Mais parce que tu es une femme de défi, peut-être, que tu as envie de sauver des gens. C'est ça. Non, mais il y a un peu une vocation quand même à la base. Oui, il y a une vocation, mais c'est vraiment, j'ai décidé un peu au dernier moment. Pour moi, je ne le regretterai pas. Est-ce que tu hésitais avec un autre truc? Oui. Est-ce que tu peux nous dire quoi? Entre faire ça pour devenir pédiatre en maternité. D'accord. Ou devenir un site et donc faire passer le CAPES ou sciences de l'éducation, des choses comme ça. D'accord. Et donc, tu aimes les enfants, du coup, j'imagine. Voilà. Bah écoute, je pense que... les enfants, les bébés, la grossesse et tout, ça me fascine pas mal. Bon, bah d'accord. Du coup, je pense que ça va bien se passer. Hein, rappelons que tu as 45 enfants, d'ailleurs. Tu t'aimes tellement ça. J'adore la grossesse. Je peux pas m'empêcher. Bah non, mais du coup, je pense que si ça te passionne et te fascine, je pense que ça va te porter et que ce sera, ça va bien se passer, je pense. Oui. Généralement, quand tu es quand même guidé par quelque chose qui te plaît autant, ça se passe bien, quoi. Donc, je pense que ça va aller. Mais n'hésite pas à nous tenir au courant sur le Discord pour qu'on sache si jamais c'est un enfer total et on n'hésitera pas à te rappeler pour avoir... Moi, j'aimerais bien appeler parfois des auditeurs pour avoir... Parce que nous, on est auteurs et réals et comédiens et c'est très, très cool. Mais j'aimerais bien, des fois, avoir un peu un input des gens qui ont des métiers complètement différents de nous. Et donc, du coup, les études... La première année de médecine, c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut... Ouais, j'aimerais vraiment savoir... Il y a un film, là, d'ailleurs, qui va se faire, je crois, avec Lebguil et... Ouais, et comment il s'appelle, Vincent Lacoste. Bah, écoute, comme on dit merde, normalement. Donc, je te souhaite bon courage. Profite bien de tes vacances. Tu sais quand la vraie rentrée, t'as quand même encore un peu le mois d'août dans le 9-2, là, non? Je ne sais pas, qui commence le 16. Le 16 août? Oui. Quel enfer. Pardon. Bah, bon courage, Pénélope. Bon courage, Pénélope. Et puis, écoute... Pour faire une prépa en même temps. Eh bah oui, bah, parce que il faut savoir mêler les plaisirs, hein, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoute, Pénélope, passe une bonne soirée. Merci de ton appel. Merci, vous aussi. Bah, bonne soirée, bonne après-midi du coup, et puis kiffe bien New York, ciao, bye. Salut. Lilop des États-Unis de l'Amérique, hein, il me semble. Elle a pas précisé, mais nous sommes avec du coup Mélodo. Mélodo, est-ce que tu nous entends? Tout à fait. Ah, Mélodo, bonjour, est-ce que tu vas bien? Bonjour, très bien, merci, et vous? Écoute, on va plutôt bien. On va plutôt pas ça mal. Ça va très bien. Écoute, on a vu sur le chat que tu étais un peu timide, donc on va y aller mollo. Molo Mélodo, d'ailleurs, qui sera une chanson de Zouk que je fais en octobre. Ça sortira en octobre. Molo Mélodo, Molo voilà. Mélodo. C'est dur à dire, j'ai un peu foiré. Je serai la première à streamer sur Spotify. Bah, écoute, n'hésite pas. Mélodo, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien, je pense que personne ne me connaît. Bah, peut-être ton entourage déjà. Oui, je ne sais pas. Je pense pas qu'ils écoutent le podcast. Il y a de grandes chances. J'ai 28 ans, je vis dans le sud-ouest. D'accord. Et voilà. Où ça, enfin, sans vouloir, sauf si tu veux pas le dire, mais où ça dans le sud-ouest? Parce que moi, j'ai un petit peu parcouru le sud récemment. Oui, j'ai vu ça. Donc, peut-être que je suis passé pas loin. Tu es vers où? Je suis à proximité de Toulouse, plutôt au nord de Toulouse. D'accord. Okay. Donc, sud-sud. Je suis passé par Toulouse, effectivement, pendant mon périple. Il paraît qu'on dirait le sud là-bas et que le temps durerait assez longtemps, c'est vrai ou pas? Absolument. Ouais. Eh bien, tu ne crois pas, c'est bien dire, parce que j'habite près de Montcuq, qui est la ville qui a vu mourir Nino Ferrer. Donc, Est-ce qu'on n'en prendrait pas des... Pleurer, Est-ce qu'il n'y aurait pas une belle succession d'anecdotes, là? J'ai l'impression que tout se mélange plutôt bien, ça s'enchaîne pas mal. Mélodo, peux-tu nous énoncer la raison de ton appel? Bien parce que j'ai une anecdote que une amie m'a racontée, puisque ça est arrivé à une amie à elle. D'accord. Il y a quelques années, et depuis, je la raconte à qui veut bien l'entendre. Mon but, c'est que cette anecdote fasse le tour du monde. Donc, j'ai eu l'occasion de la raconter à l'étranger, mais là, je pense qu'elle va prendre une audience particulière, du coup. Ah bah écoute. Nous sommes tout oui, je crois. Tout oui, à 98% oui. Ouais, c'est ça. On garde quand même quelques pourcents pour les autres sens, parce que sinon, on ne peut plus parler. On se trouve au sol, voilà. Ouais. Mais on t'écoute. Bon, alors en fait, c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un mec dans un bar. Oui. Qui décide de finir la nuit chez lui. Et donc, il passe la nuit ensemble chez ce mec-là. Et le lendemain, il doit aller au taf, ou en tout cas, il doit partir. Et il lui dit, mais t'inquiète pas, tu peux rester, juste par contre, t'as juste à claquer la porte. Et c'est des portes, vous savez, qui se claquent, et quand on est à l'extérieur, on ne peut pas ouvrir si on n'a pas les clés. D'accord. Donc, je connais vachement bien, j'ai ça chez moi, je ne peux pas te dire mieux. Donc, bon. Voilà. Donc, c'était pas moi le mec, au cas où. Non, je ne pense pas. Enfin, j'espère pas pour toi, mais tu sauras nous le dire si ça t'est arrivé. Ok. Moi, je sens un truc venir, mais on va voir si j'ai raison. Continue, excuse-nous. La fille est prise d'une envie d'aller aux toilettes et de faire caca. Voilà. Yes. Pour l'instant, ça correspond à ce que j'avais en tête. Vas-y. Au moment de tirer la chasse d'eau, elle se rend compte que la chasse d'eau ne fonctionne pas. Oh non. Et se dit qu'elle ne peut décemment pas laisser ça. Et donc, par ça, tu entends un énorme paquet de merde. Tout à fait. Ok, d'accord, dans tes poitures. Et donc, a priori, elle n'avait pas la diarrhée quand même. Hein. Ah, non, mais tu vois, c'est bien de voir un petit peu de clair dans l'obscur. un peu de lumière. Et donc, elle décide de se saisir d'une poche plastique, comme on dit chez nous dans le sud-ouest, ou un sac plutôt vers Paris, je ne sais pas comment. Voilà, ouais, pour ça, ouais. Se saisir de son caca. Et puis, donc voilà. Et ne sachant pas ce qui lui a pris, en voulant quitter l'appartement, elle pose cette poche sur la table. Non ! Pensant la récupérer en partant. Oh, en faire partant, quoi ? Elle a oublié. Oh non ! C'est génial. Là, ma mémoire me fait défaut car je ne sais plus si la fille est restée squatter devant l'appart toute la journée en attendant que le mec revienne pour, genre, j'ai oublié un truc, récupérer ça et partir. C'est mon petit sac de merde. Ou si elle est partie sans jamais plus donner de nouvelles, ça, ma mémoire m'a fait défaut. Ah, mais ça, ce serait une chose très intéressante à savoir parce que moi, c'est. Mais, écoute, peut-être que la personne concernée écoutera ce podcast, je ne sais pas. Ah, ce serait génial. J'imagine vraiment le gars faire. Excuse-moi, t'as pas oublié ton sac de merde chez moi ? Non, mais ce qui est fou, c'est que ça ressemble en plus humiliant à mon anecdote de la capote usagée que j'avais laissée sur le lavabo de mon pote et qui avait été découvert par sa femme en rentrant, quoi. Oh, putain, le sac de merde. Ça me fait penser que quand j'étais en coloc, un des mecs de ma coloc avait laissé sa capote usagée dans notre caisson l'humidificateur. Exactement, voilà. Le déshumidificateur, du coup. Tout à fait. D'accord. Pensant que c'était une poubelle, certainement. Mais du coup, ça sentait, pardon, hein, je suis désolé, mais ça sentait le sperme dans la maison ou pas du tout ? Non, c'est des trucs avec des cristaux de sel dedans, c'est ça, non ? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour déshumidifier les... En fait, ça aspire l'humidité, en fait. Ah, donc ça recrache rien ? Non. Ok, d'accord. C'était pour être sûr. Au pire, il y avait une capote très sèche. Non, très humide du coup. Elle reprend l'humidité. Oui, mais c'était dedans. Ah oui, d'accord, ok. Donc, j'espérais une. Oui, non, bah non. J'espérais un résultat un peu scientifique où on découvre un truc de ouf. Genre, eh bien, en fait, avec des cristaux de sel, le sperme devient vivant, en fait, tout simplement. D'accord, c'est une très bonne anecdote et je pense qu'on va terminer cette émission sur cette anecdote magnifique. Je vais te remercier déjà parce que vraiment, merci pour cette belle histoire. L'histoire du petit sac de merde. Voilà, tout j'ai ça déjà moi-même chié dans un sac. T'as chié dans un sac ou parce ça parce que chez moi. Et comment ça? Parce que mon Sunny Broyer était en panne. D'accord. Donc il n'y avait plus de chasse d'eau et du coup j'avais dû chier dans un sac poubelle et aller le jeter. Putain, c'est fou. Mais du coup, moi, dans tous les trucs humiliants, j'ai jamais eu à toucher ma merde quand même. Ah, mais j'ai pas touché ma merde. J'ai chié dans un sac. T'as chié dans. Oui, pardon, ok. T'as pas récupéré ta merde. Le Sunny Broyer marchait pas. Je pensais que t'avais récupéré comme un petit chien. On savait. Comme pour un petit chien, t'avais récupéré ta merde dans le Sunny Broyer. Non, on savait qu'il était gâté. Donc j'ai mis un petit sac poubelle dans un seau. D'accord. Et j'ai chié dedans et je suis allé le jeter dans le conteneur de l'immeuble. Plus comme un petit chat dans une litière, quoi. Voilà. Il y a un peu ça. Et je dois avouer qu'on a passé un cap avec ma copine ce jour-là. Parce que j'ai attendu qu'elle. Pour l'anecdote, c'est là. Mais je crois que je l'ai déjà raconté, mais bon, on peut se permettre de radoter. Moi, j'avais attendu qu'elle aille dormir pour faire ça. Vous voyez, les filles, les gentlemen existent, en fait. Ouais, vous dites, l'homme parfait n'existe pas. Il y a des gens qui attendent que vous alliez vous coucher. Je suis là. Et donc, du coup, j'avais chié et tout. Et j'avais évidemment fermé de façon que je pensais hermétique. J'avais fait un nœud, même deux nœuds. Et, Catherine de nœud ou pas du tout ? Catherine de nœud, absolument. et du coup, j'étais descendu pour aller jeter... Le sac dans les poubelles de l'immeuble et j'étais passé devant notre chambre, mais devant la porte fermée de notre chambre. Mais surtout que ça pue ignoblement. La merde, une fois que c'est hors de... Bah oui, oui. Oui. C'est général, quand c'est dans le corps, on la sent rarement. Mais, non, mais bon, c'était dans un sac fermé, hermétique, oui. Enfin, tu vois. Et je me dis, ah, ça sent on sent un petit peu l'odeur quand même. Mais ça va, quoi, ça va. Et le lendemain, elle m'a dit « Ouais, ouais, j'ai senti l'odeur de merde. Ah. J'ai cru que t'avais chié dans un sac et que t'avais posé le sac devant la porte pour le jeter le lendemain. » Voir si la petite souris l'avait pris et t'avais amené 10 francs. Je me suis dit, bah, elle m'estime énormément, quoi. Vraiment, elle pense que je suis vraiment le genre de porc qui laisserait sa merde dans l'appartement pour aller le jeter le lendemain. Bah, dans les anecdotes caca, parce que bon, ça y est, on est lancé. Hein. Moi, là, je suis parti en vacances avec ma meuf et elle a eu une tourista. Donc, une diarrhée assez vénère. Sévère. Mais elle l'a vraiment très bien gérée. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a jamais eu envie hors de l'hôtel. Enfin, genre, ouais, on sortait quand même faire de l'activité, des trucs, et elle a toujours très bien géré. Et bon, ça, c'est pour ma... Ça va faire rire que moi parce que c'est ma meuf, mais elle mettait toujours la même chanson quand on allait chier. Ce qui fait que ma meuf qui a la chiasse, moi, reste synonyme de Born in the USA de Bruce Springsteen, qui commence quand même par... Donc voilà, moi, quand j'entends cette chanson, ma meuf se vide de sa merde. Voilà. Et, mais elle a vraiment bien géré le truc. Et évidemment, vu qu'on passait notre temps ensemble, elle m'a refilé sa tourista vénère. Sauf que moi, je l'ai on eu. On peut préciser qu'elle t'a chié dans la bouche. Ouais, elle m'a. Ouais. Bah, le truc con de couple, elle m'a chié sur le torse et je l'ai étalé. Non, elle m'a refilé sa tourista, sauf que moi, elle me l'a refilé le dernier jour des vacances. Ouais. Et elle me l'a refilé. En fait, il faut savoir que je suis parti du coup, enfin, je l'ai dit dans un autre podcast, mais je suis parti aux Philippines. On a fait plein d'hôtels très cool parce que je gagne de l'argent grâce à la chaîne Canal+ et le président Bolloré. Mmh. Et le dernier hôtel, j'avais pris quand même un petit hôtel de merde parce qu'en fait, on prenait l'avion à 7h30 du matin. Donc l'idée, c'était de prendre un hôtel juste à côté de l'aéroport. Et c'était pas un hôtel, enfin, on s'en foutait, on allait dormir 3 heures, quoi, parce que l'avion décollait à 7h30, donc il faut être à l'aéroport à 5h30. Enfin voilà, bref, ouais, on va à peine dormir, on s'en bat les couilles. On prend un petit hôtel de merde. Sauf que j'avais donc cette tourista qui était là. Et du coup, l'hôtel était vraiment nul, le matelas était insupportable, on était à côté des avions, donc on s'était presque dit qu'on n'allait pas dormir, quoi. Mais du coup, elle était quand même couchée, mais elle dormait pas. Donc moi, c'est-à-dire que je vais aux toilettes pour faire ma commission. Et en fait, moi, je peux pas mettre Bruce Springsteen, si tu veux, parce que c'est la nuit, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas eu la chance de couvrir le son. Et puis, surtout, c'était un tout petit hôtel, parce que les autres hôtels, c'était cool, il y avait un peu de place. Elle pouvait faire ça dans la salle de bain. Là, il y avait juste un chiotte collé au lit. Donc, en fait, c'était... Moi, j'ai vraiment, j'ai pas eu de bol, quoi. Elle a pu faire ça vraiment comme une princesse. Et moi, j'ai pu faire ça comme le gars dans Midnight Express, là, voilà, qui se, voilà, horrible. Et après, effectivement, tu l'as deviné, j'ai eu la chiasse dans un avion. Et, c'est pas bien. Voilà. Non, disons que dans les trucs top que j'ai vécu dans ma vie, c'est pas dans le top 10. Voilà, ouais, c'est vraiment, on est même sur un bas de classement, à pas se mentir. J'imagine. Aller aux chiottes toutes les heures. Et surtout. Ah ouais, toutes les heures. Vraiment. Toutes les heures, une fois par heure. À l'enfer. Une fois par heure aux toilettes d'avion. Avec aussi les vertiges de moi quand je suis dans l'avion, je me sens pas très bien. J'ai besoin de me mettre de l'eau sur la gueule parce que je sais pas, je me sens vite oppressé et tout. Là, c'était les Philippines. Donc en plus, on n'est pas sur un petit vol, on est sur un vol de 17 heures, tout simplement. Oh, 17 putain, heures d'avion. 17 heures. Donc 17 fois, passages 17 passages aux chiottes. Et donc voilà, donc j'étais pas bien, mais ma meuf dormait pendant tout le trajet, donc j'étais vraiment seul avec ma chiasse. Voilà, bah merci de nous avoir lancé sur ce sujet et surtout merci de cette belle anecdote. Mais pas de souci, et merci à vous pour tout ce que vous faites parce que votre travail me touche beaucoup et me fait beaucoup rire, et vos stories aussi. Donc bah merci beaucoup, Mélodo. Avec plaisir. Et écoute, voilà, j'espère que cette nouvelle saison de Floodcast te ravira. À n'en pas douter. Voilà, Ravira Ferraille, Ravira Détente. Moi j'avais Christiane Ravira pour Taubira, mais c'était vraiment pas bien. On est loin. Je pensais que c'était même sur Aguilera du coup. Ah ouais, non. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Les deux étaient nuls. Voilà, bah passe une bonne soirée. Salut Mélodo. Salut. Merci également. Ciao. À bientôt, bye. Au revoir. Très bien de se quitter là-dessus, je pense. Voilà, très bonne fin de podcast. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci d'avoir écouté cette émission. Écoutez, on se le refera de temps en temps. Moi, j'aime bien ce petit format. Ouais, je trouve ça rigolo. Oui. On vous appelle. Et puis, du coup, je me dis, ça donnera peut-être envie à d'autres gens de participer, à nous rejoindre sur le Discord. Je mettrai un lien dans la description du podcast du Discord pour que vous veniez nous rejoindre en masse. Merci encore aux modératrices qui s'occupent de ce Discord. Oui, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir appelé. Les podcasts Aldi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Salut. On l'a pas beaucoup utilisé. C'est vrai. On va le garder pour la prochaine émission. On va enchaîner sur un deuxième enregistrement immédiatement.